Chapitre 16e, la flamme errante. Nana Sahib, pendant tout un mois, du 12 mars au 12 avril, resta caché dans le pal. Il voulait donner aux autorités anglaises le temps de prendre le change, soit en abandonnant les recherches, soit en se lançant sur de fausses pistes. Si, pendant le jour, les deux frères ne sortaient pas, leur fidèle parcourait la vallée, visitait les villages et les hameaux, annonçait à mot couvert la prochaine apparition d'un redoutable multi, moitié dieu, moitié homme, et il préparait les esprits à un soulèvement national. La nuit venue, Nana Sahib et Balao Rao se hasardaient à quitter leur retraite. Ils s'aventuraient jusque sur les rives de la Nerbuda. Ils allaient de village en village, de pal en pal, en attendant l'heure à laquelle ils pourraient parcourir avec quelque sécurité le domaine des rajas inféodés aux Anglais. Nana Sahib savait d'ailleurs que plusieurs semi-indépendants, impatients du joug étranger, se rallieraient à sa voix. Mais en ce moment, il ne s'agissait que des populations sauvages du Gondwana. Ces villes barbares, ces rondes nomades, ces gounds, aussi peu civilisés que les naturels des îles du Pacifique, le Nana les trouva prêts à se lever, prêts à le suivre. Si, par prudence, il ne se fit connaître qu'à deux ou trois puissants chefs de tribu, cela suffit à lui prouver que son nom seul entraînerait plusieurs millions de ces hindous qui sont répartis sur le plateau central de l'Hindoustan. Lorsque les deux frères étaient rentrés au pal de Tandit, ils se rendaient mutuellement compte de ce qu'ils avaient entendu, vu, fait. Leurs compagnons les rejoignaient alors, apportant de toutes parts la nouvelle que l'esprit de révolte soufflait comme un vent d'orage dans la vallée de la Nerbuda. Les Mounds n'demandaient qu'à jeter le Kisri, le cri de guerre des montagnards, et à se précipiter sur les cantonnements militaires de la présidence. Le moment n'était pas venu. Il ne suffirait pas en effet que toute la contrée comprise entre les monts Sotpura et les Vindhya fût en feu. Il fallait encore que l'incendie pût gagner de proche en proche, donc nécessité d'entasser les éléments combustibles dans les provinces voisines de la Nerbuda, qui étaient plus directement sous l'autorité anglaise. De chacune des villes, des bourgades de Bhopal, du Malwa, du Bundelkund et de tout ce vaste royaume de Sindhya, il importait de faire un immense foyer, prêt à s'allumer. Mais Nana Sahib, avec raison, ne voulait s'en rapporter qu'à lui seul du soin de visiter les anciens partisans de l'insurrection de 1857, tous ces natifs qui restaient fidèles à sa cause et n'ayant jamais cru à sa mort, s'attendaient à le voir reparaître de jour en jour. Un mois après son arrivée au pal de Tandit, Nana Sahib crut pouvoir agir en toute sécurité. Il pensa que le fait de sa réapparition dans la province avait été reconnu faux. Des affidés le tenaient au courant de tout ce que le gouverneur de la présidence de Bombay avait fait pour opérer sa capture. Il savait que pendant les premiers jours, l'autorité s'était livrée aux recherches les plus actives, mais sans résultat. Le pêcheur d'Arungabad, ancien prisonnier du Nana, était tombé sous le poignard, et nul n'avait pu soupçonner que le fakir fugitif fût le nabab d'Andoupan, dont la tête venait d'être mise à prix. Une semaine après, les rumeurs s'apaisèrent, les aspirants à la prime de 2000 livres perdirent tout espoir, et le nom de Nana Sahib retomba dans l'oubli. Le nabab put donc agir de sa personne, et sans craindre d'être reconnu, recommencer sa campagne insurrectionnelle. Tantôt sous le costume d'un parsi, tantôt sous celui d'un simple rayo, un jour seul, un autre accompagné de son frère, il commença à s'éloigner du pal de Tandit, à remonter vers le nord, de l'autre côté de la Nerbuda, et même au-delà du revers septentrional des Vindhya. Un espion, qui eût voulu le suivre dans toutes ses démarches, l'aurait trouvé à Indore dès le 12 avril. Là, dans cette capitale du royaume d'Olkar, Nana Sahib, tout en conservant le plus strict incognito, se mit en communication avec la nombreuse population rurale employée à la culture des champs de pavots. C'étaient des Rihilas, des Mekrani, des Valyali, ardents, courageux, fanatiques, pour la plupart sipaï déserteurs de l'armée native qui se cachaient sous l'habit du paysan hindou. Puis, Nana Sahib passa la Betwa, affluent de la Jumna, qui court vers le nord sur la frontière occidentale du Bundelkund, et le 19 avril, à travers une magnifique vallée dans laquelle les dattiers et les manguiers se multiplient à profusion, il arrivait à Souari. Là s'élèvent de curieuses constructions d'une très haute antiquité. ce sont des topes, sortes de tumuli, coiffés de dômes hémisphériques, qui forment le groupe principal de Saldara, au nord de la vallée. De ces monuments funéraires, de ces demeures des morts, dont les autels, consacrés aux rites bouddhiques, sont abrités sous des parasols de pierre, de ces tombes vides depuis tant de siècles, sortirent, à la voix de Nana Sahib, des centaines de fugitifs. Enfouis dans ces ruines pour échapper aux terribles représailles des Anglais, un mot suffit à leur faire comprendre ce que le Nabab attendait de leur concours. Un geste suffirait, leur venue, à les jeter en masse sur les envahisseurs. Le 24 avril, Nana Sahib était à Bilsa, le chef-lieu d'un district important du Malwa, et dans les ruines de l'ancienne ville, il rassemblait des éléments de révolte que ne lui eut pas fourni la nouvelle. Le 27 avril, Nana Sahib atteignit Raigurg, près de la frontière du royaume de Pana, et le 30, les restes de la vieille cité de Sangor, non loin de l'endroit où le général Sir Hugh Rose livra aux insurgés une sanglante bataille, qui lui donna, avec le col de Mandanpur, la clé des défilés des Vindhya. Là, le Nabab fut rejoint par son frère, que Kalagani accompagnait, et tous deux se firent connaître des chefs des principales tribus dont ils étaient absolument sûrs. Dans ces conciliabules, les préliminaires d'une insurrection générale furent discutés et arrêtés. Tandis que Nana Sahib et Ballao Rao opéraient au sud, leurs alliés devaient manœuvrer sur le revers septentrional des Vindhya. Avant de regagner la vallée de la Nerbuda, les deux frères voulurent encore visiter le royaume de Pana. Ils s'aventurèrent le long de la Kane, sous le couvert de teks géants, de bambous colosses, à l'abri de ces innombrables multipliants qui semblent destinés à envahir l'Inde entière. Là furent enrôlés de nombreux et farouches adeptes parmi ce misérable personnel qui exploite, pour le compte du Raja, les riches mines diamantifères du territoire. Ce Raja, dit M. Rousselet, comprenant la position que fait la domination anglaise au prince du Bundelkund, a préféré le rôle d'un riche propriétaire foncier à celui d'un insignifiant principicule. Riche propriétaire, il l'est en effet. La région adamantifère qu'il possède s'étend sur une longueur de 30 km au nord de Pana, et l'exploitation de ces mines de diamants, les plus estimées sur les marchés de Bénarès et d'Allahabad, emploie un grand nombre d'hindous. Mais chez ces malheureux, soumis aux plus durs travaux, que le Raja fait décapiter dès que baisse le rendement de la mine, Nana Sahib devait trouver des milliers de partisans prêts à se faire tuer pour l'indépendance de leur pays, et il les trouva. À partir de ce point, les deux frères redescendirent vers la Nerbuda afin de regagner le pal de Tandit. Cependant, avant d'aller provoquer le soulèvement du sud, qui devait coïncider avec celui du nord, ils voulurent s'arrêter à Bhopal. C'est une importante ville musulmane qui restait la capitale de l'islamisme dans l'Inde et dont la Bégom demeura fidèle aux Anglais pendant toute la période insurrectionnelle. Nana Sahib et Ballao Rao, accompagnés d'une douzaine de gounds, arrivèrent à Bhopal le 24 mai, dernier jour de ces fêtes du Moharram instituées pour célébrer le renouvellement de l'année musulmane. Tous deux avaient revêtu le costume des yogis, sinistres mendiants religieux, armés de longs poignards à lame arrondie dont ils se frappent par fanatisme, mais sans grand mal ni danger. Les deux frères, méconnaissables sous ce déguisement, avaient suivi la procession dans les rues de la ville, au milieu des nombreux éléphants qui portaient sur leur dos des tadzias, sorte de petits temples hauts de 20 pieds. Ils avaient pu se mêler aux musulmans, richement vêtus de tuniques brodées d'or et coiffés de toques de mousseline. Ils s'étaient confondus dans les rangs des musiciens, des soldats, des bayadères, des gens travestis en femmes, bizarre agglomération que donnait à cette cérémonie une tournure carnavalesque. Avec ces hindous de toutes sortes, dans lesquels ils comptaient de nombreux fidèles, ils avaient pu échanger une sorte de signe maçonnique familier aux anciens révoltés de 1857. Le soir venu, tout ce monde s'était porté vers le lac qui baigne le faubourg oriental de la ville. Là, au milieu des cris assourdissants, de détonations d'armes à feu, de crépitations de pétards, à la lueur de milliers de torches, tous ces fanatiques précipitèrent les tadzias dans les eaux du lac. L'effet du Moharram était fini. À ce moment, Nana Sahib sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna, un Bengali était à ses côtés. Nana Sahib reconnut en cet hindou un de ses anciens compagnons d'armes de Lucknow. Il l'interrogea du regard. Le Bengali se borna à murmurer les mots suivants que Nana Sahib entendit sans qu'un geste eût trahi son émotion. Le colonel Munro a quitté Calcutta. Où est-il? Il était hier à Bénarès. Où va-t-il? À la frontière du Népal. Dans quel but? Pour y séjourner quelques mois. Et ensuite, revenir à Bombay. Un sifflement retentit. Un hindou se glissant à travers la foule arriva près de Nana Sahib. C'était Kalagani. « Pars à l'instant, » dit le nabab. « Rejoins Munro qui remonte vers le nord. Attache-toi à lui. Impose-toi par quelques services rendus et risque ta vie s'il le faut. Ne le quitte pas avant qu'il n'ait redescendu au-delà des Vindhyas jusqu'à la vallée de la Nerbuda. Alors, mais alors seulement, viens me donner avis de sa présence. » Kalagani se contenta de répondre par un signe affirmatif et disparut dans la foule. Un geste du nabab était pour lui un ordre. 10 minutes après, il avait quitté Bhopal. À ce moment, Balao Rao s'approcha de son frère. « Il est temps de partir, » lui dit-il. « Oui, » répondit Nana Sahib, « et il faut que nous soyons avant le jour au pal de Tandit. En route. » Tous deux, suivis de leur gound, remontèrent la rive septentrionale du lac jusqu'à une ferme isolée. Là, des chevaux les attendaient pour eux et leur escorte. C'était de ces chevaux rapides auxquels on donne une nourriture très épicée et qui peuvent faire 50 000 dans une seule nuit. À 8 heures, ils galopaient sur la route de Bhopal au Vindhya. Si le nabab voulait arriver avant l'aube au pal de Tandit, ce n'était que par mesure de prudence. Mieux valait en effet que son retour dans la vallée passât inaperçu. La petite troupe marcha donc de toute la vitesse de ses chevaux. Nana Sahib et Balao Rao, l'un près de l'autre, ne se parlaient pas, mais la même pensée occupait leur esprit. De cette excursion au-delà des Vindhyas, ils rapportèrent plus que l'espoir, la certitude que d'innombrables partisans se ralliaient à leur cause. Le plateau central de l'Inde était tout entier dans leurs mains. Les cantonnements militaires, répartis sur ce vaste territoire, ne pourraient résister aux premiers assauts des insurgés. Leur anéantissement ferait place libre à la révolte, qui ne tarderait pas à élever d'un littoral à l'autre toute une muraille d'hindous fanatisés contre laquelle viendrait se briser l'armée royale. Mais, en même temps, Nana Sahib songeait à cet heureux coup du sort qu'allait lui livrer Munro. Le colonel venait enfin de quitter Calcutta, où il était difficile de l'atteindre. Désormais, aucun de ses mouvements n'échapperait au nabab. Sans qu'il pût s'en douter, la main de Kalagani le guiderait vers cette sauvage contrée des Vindhyas, et là, nul ne pourrait le soustraire au supplice que lui réservait la haine de Nana Sahib. Balao Rao ne savait rien encore de ce qui s'était dit entre le Bengali et son frère. Ce ne fut qu'aux abords du pal de Tandit, pendant que les chevaux soufflaient un instant, que Nana Sahib se borna de lui apprendre en ces termes. Munro a quitté Calcutta et se dirige vers Bombay. « La route de Bombay, » s'écria Balao Rao, « va jusqu'au rivage de l'océan Indien. »« La route de Bombay, cette fois, » répondit Nana Sahib, « s'arrêtera au Vindhya. » Cette réponse disait tout. Les chevaux repartirent au galop et se lancèrent à travers le massif d'arbres qui se dressait à la lisière de la vallée de la Nerbuda. Il était alors 5 heures du matin. Le jour commençait à se faire. Nana Sahib, Balao Rao et leurs compagnons venaient d'arriver au lit torrentueux de Nazur qui montait vers le pal. Les chevaux s'arrêtèrent en cet endroit et furent laissés à la garde de deux gounds chargés de les conduire au plus proche village. Les autres suivirent les deux frères qui gravissaient les marches tremblantes sous l'eau du torrent. Tout était tranquille. Les premiers bruits du jour n'avaient pas encore interrompu le silence de la nuit. Soudain, un coup de feu éclata et fut suivi de plusieurs autres. En même temps, ces cris se faisaient entendre. « Hurrah ! Hurrah ! En avant !» Un officier, précédant une 50aine de soldats de l'armée royale, apparut sur la crête du pal. « Feu ! Que pas un ne s'échappe » cria-t-il encore. Nouvelle décharge, dirigée presque à bout portant sur le groupe de Gound qui entourait Nana Sahib et son frère. 5 ou 6 hindous tombèrent, les autres, se rejetant dans le lit du Nazur, disparurent sous les premiers arbres de la forêt. « Nana Sahib ! Nana Sahib !» crièrent les Anglais en s'engageant dans les 3 ravins. Alors un de ceux qui avait été frappé mortellement se redressa, la main tendue vers eux. « Mort aux envahisseurs » cria-t-il d'une voix terrible encore, et il retomba sans mouvement. L'officier s'approcha du cadavre. « Est-ce bien Nana Sahib ? » demanda-t-il. « C'est lui !» répondirent 2 soldats du détachement, qui, pour avoir tenu garnison à Cawnpore, connaissaient parfaitement le nabab. « Aux autres maintenant !» cria l'officier. Et tout le détachement se jeta dans la forêt à la poursuite des gounds. À peine avait-il disparu, qu'une ombre se glissait sur l'escarpement que couronnait le pal. C'était la flamme errante enveloppé d'un long pagne brun que le cordon d'un langouti serrait à la ceinture. La veille au soir, cette folle avait été le guide inconscient de l'officier anglais et de ses hommes. Rentrée dans la vallée depuis la veille, elle regagnait machinalement le pal de Tandide vers lequel une sorte d'instinct la ramenait. Mais cette fois, l'étrange créature, que l'on croyait muette, laissait échapper de ses lèvres un nom, rien qu'un seul, celui du massacreur de Cawnpore. « Nana Sahib, Nana Sahib !» répétait-elle, comme si l'image du nabab, par quelque inexplicable pressentiment, se fût dressée dans son souvenir. Ce nom fit tressaillir l'officier. Il s'attacha au pas de la folle. Celle-ci ne parut pas même le voir, ni les soldats qui la suivirent jusqu'au pal. Était-ce donc là que s'était réfugié le nabab dont la tête était mise à prix? L'officier prit les mesures nécessaires et fit garder le lit du Nazur en attendant le jour. Lorsque Nana Sahib et ses goundes s'y furent engagés, il les accueillit par une décharge qui en jeta plusieurs à terre, et parmi eux, le chef de l'insurrection des Sipahis. Telle fut la rencontre que le télégraphe signala le jour même au gouverneur de la présence de Bombay. Ce télégramme se répandit dans toute la péninsule, les journaux le reproduisirent immédiatement, et ce fut ainsi que le colonel Munro put en prendre connaissance à la date du 26 mai dans la Gazette d'Allahabad. Il n'y avait pas à douter cette fois de la mort de Nana Sahib. Son identité avait été constatée et le journal pouvait dire avec raison « Le royaume de l'Inde n'a plus rien à craindre désormais du cruel Raja qui lui a coûté tant de sang. » Cependant, la folle, après avoir quitté le pal, descendait le lit du Nazur. De ses yeux hagards sortait, comme la lueur d'un feu intense qui se serait soudainement rallumé en elle, et machinalement ses lèvres laissaient échapper le nom du nabab. Elle arriva ainsi à l'endroit où gisaient les cadavres et s'arrêta devant celui qui avait été reconnu par les soldats de Lucknow. La figure contractée de ce mort semblait encore menacée. On eût dit qu'après n'avoir vécu que pour la vengeance, la haine survivait en lui. La folle s'agenouilla, posa ses deux mains sur ce corps troué de balles, dont le sang tacha les plis de son pagne. Elle le regarda longuement, puis se relevant et secouant la tête, elle descendit lentement le lit du Nazur. Mais alors, la flamme errante était retombée dans son indifférence habituelle, et sa bouche ne répétait plus le nom maudit de Nana Sahib. Ainsi s'achève le tome premier de La Maison à Vapeur par Jules Verne.